Comment répondre aux questions des petits-enfants ? Qui n'a pas été frappé, il n'y a pas besoin pour ça d'être spécialement philosophe, par la profondeur philosophique des étonnements des petits-enfants formulés le plus souvent sous forme de questions. Ça peut être, par exemple, à l'occasion d'un deuil qui frappe leur famille, il est où celui qui n'est plus là, pourquoi est-ce que je ne le vois plus, ça peut être à l'occasion d'une promenade où qu'est-ce qui fait que le tonnerre gronde, qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne rencontre telle ou telle difficulté, ça peut être aussi à l'occasion d'un conflit entre plusieurs enfants. Pourquoi a-t-il plus de gâteaux que moi et pourquoi est-ce que c'est juste ou injuste? Au fond, les questions des petits-enfants, formulées souvent à l'improviste d'une manière radicale, nous mettent au cœur du surgissement même de la philosophie. Certains parlent de philosophie populaire, d'autres de philosophie ordinaire. Ils veulent par là dire, au fond, que la philosophie n'est pas hors du monde, mais est dans la vie quotidienne, et ils ont pleinement raison, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce que nous montrent les questions des petits-enfants, c'est que ce qui est quotidien, ce qui est ordinaire, c'est aussi la métaphysique elle-même, les questions sur les principes. Que parler de philosophie populaire ou ordinaire, c'est aussi voir surgir les questions fondamentales, les questions les plus vertigineuses. Il n'y a rien de plus vertigineux que le besoin de philosophie exprimé par les petits-enfants, sans même bien sûr qu'ils puissent le formuler comme tel. Et on a toujours l'impression, quand on fait de la philosophie, que les questions innocentes, naïves, les plus simples qui surgissent au début sont les plus profondes. Par exemple aussi, au début des études de philosophie, tout professeur a fait l'expérience que les questions les plus difficiles sont posées par les étudiants de première année qui osent les poser, et les étudiants les plus avancés qui comprennent leur profondeur. Entre les deux, nous sommes tous un petit peu captifs, nous en savons trop pour poser les questions les plus simples et pas assez encore pour y répondre. Et donc, d'une certaine manière, c'est toujours la simplicité première qu'il faut parvenir à retrouver. La philosophie doit être capable de répondre aux questions des petits-enfants sans faire nécessairement une philosophie pour les enfants, même si c'est aujourd'hui une activité très importante et qui a toute sa justification. Nous avions même essayé avec un dessinateur maintenant très connu de journaux pour les tout-petits de faire des livres pour les 2 à 5 ans. Mais le point le plus important, peut-être, c'est de comprendre que derrière chaque question d'un petit enfant et peut-être de chacun d'entre nous, il y a quelque chose de plus fondamental encore, un étonnement et même, je dirais, une exclamation. Quand un enfant dit « c'est pas juste », il ne pose pas directement une question, il s'indigne d'abord. Quand un enfant dit « mais il est où ?» ou « elle est où ?» la personne qui vient de disparaître ou dont on dit qu'on ne la verra plus jamais, ou bien parfois on invente aussi des fausses réponses, ou bien la naissance aussi, la fameuse naissance. D'où je viens? Comment je suis né? Eh bien, ces questions ne sont pas d'abord des interrogations, ce sont d'abord des exclamations. Ce à quoi la philosophie doit revenir, c'est l'émotion profonde qui est derrière. La peur, la colère, parfois la joie ou la surprise. Et on sait bien que le critère ultime pour chacun d'entre nous, pas seulement pour les philosophes professionnels, c'est de répondre d'abord en apaisant, en comprenant. Et le critère ultime peut-être pour la sagesse, pour le sage, c'est d'arriver à consoler aussi, ou à réjouir les petits-enfants.